Toujours à l'occasion du jour du décès du président Kim Il-sung, les cadres, militaires, travailleurs de divers paliers, jeunes élèves, ont visité les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et les fresques en mosaïque figurant leurs visages en sourire érigés partout dans le pays pour formuler leur hommage sans borne. Devant les statues en bronze des grands leaders sur la colline Mansu, se trouvait déposée une corbeille de fleurs envoyée par le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Les statues sont fleuries au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des formations sociales, des ministères et établissements centraux, des troupes de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, entreprises, usines, fermes et écoles de tout échelon de la ville de Pyongyang, ainsi que de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste. Par ailleurs, les troupes de l'armée populaire, les organisations et entreprises dans la capitale et partout dans le pays ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze et les portraits en sourire du président et du général dans leur région.